Raymond의 아내다니 일러 버크 아내 진짜 뭐 이제 다 얼추면 더 많이 그때 tu as de la chance, je suis d'accord avec lui, de mon petit, tu devrais plus tard t'arrêter au fond de ton âge, je suis ce qu'il y a en beaucoup à peu de toi, tu as fait de me remonter. Et puis, je ne sais pas si demain, je penserai encore à toi, je suis pas quand tu ne penses plus à moi, je tomberai.